Saint Augustin, œuvre dogmatique de la Trinité. La Trinité au ciel, livre 15e. Chapitre 8. En quel sens l'apôtre dit que nous voyons Dieu ici-bas à travers un miroir? Je sais que la sagesse est une substance immatérielle et une lumière dans laquelle on voit ce que ne voit pas l'œil charnel. Et cependant cet homme si grand, si spirituel dit, nous voyons maintenant à travers un miroir en énigme, mais alors nous verrons face à face. 1 Corinthiens 13, 12. Si nous cherchons à savoir quel est ce miroir et ce qu'il est, aussitôt une pensée nous frappe. Dans un miroir on ne voit qu'une image. Et voilà à quoi ont tendu nos efforts, à nous faire voir, d'une manière quelconque à travers l'image, qui n'est autre que nous-mêmes, comme à travers un miroir, celui par qui nous avons été faits. C'est encore là le sens de ce que dit ailleurs le même apôtre. Pour nous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de clarté en clarté, comme par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3, 18. Contemplant, dit-il, speculantes, c'est-à-dire voyant à travers un miroir, per speculum, et non d'un point d'observation, de specula. Le texte grec, duquel les lettres de l'apôtre ont été traduites en latin, ne laisse aucun doute sur ce point. Là, le miroir, speculum, qui reproduit les images des choses, se rend par un mot très différent de specula, lieu élevé d'où notre vue porte au loin, et il est véritable que l'apôtre tire l'expression speculantes de speculum, et non de specula. Quant à ces expressions, nous sommes transformés en la même image, il est clair qu'il entend parler de l'image de Dieu qu'il appelle la même, c'est-à-dire celle-là même que nous contemplons, parce que cette image est aussi la gloire de Dieu, comme il le dit en un autre endroit. Pour l'homme, il ne doit point voiler sa tête, parce qu'il est l'image et la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 11, 7, texte que nous avons déjà discuté dans le livre 12e. Nous sommes transformés, ajoute-t-il, nous quittons notre forme pour en prendre une autre, nous passons de la forme obscure à la forme lumineuse, parce que notre forme, même obscure, est l'image de Dieu, et par là même, sa gloire. Cette forme dans laquelle nous avons été créés hommes, supérieurs aux autres animaux. Car c'est de la nature humaine qu'il est dit, pour l'homme, il ne doit point voiler sa tête, parce qu'il est l'image et la gloire de Dieu. Cette nature, la plus parfaite parmi les choses créées, une fois purifiée de son impureté par son Créateur, passe d'une forme hideuse à une forme éclatante de beauté. Au sein même de son impiété, sa valeur se laisse d'autant mieux voir que son vice est plus condamnable. Voilà pourquoi l'apôtre ajoute, de clarté en clarté, de la gloire de la création à la gloire de la justification. Du reste, ces expressions, de clarté en clarté, peuvent aussi s'entendre autrement. De la gloire de la foi à la gloire de la claire-vue. De la gloire d'être fils de Dieu à la gloire de devenir semblable à lui, quand nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, 2. Enfin par ces mots, comme par l'Esprit du Seigneur, l'apôtre indique que c'est à la grâce de Dieu que nous devons l'avantage d'une si heureuse transformation. Chapitre 9. De l'énigme et des locutions figurées. Tout ceci se rapporte à ce que dit l'apôtre, que nous voyons à travers un miroir. Quant aux mots suivants, en énigme, ils sont inintelligibles pour la multitude d'illettrés qui ne connaît pas ces espèces de locutions que les Grecs appellent « trop », expression qui est même passée de leur langue dans la nôtre. car comme nous disons plus souvent schémata que figure, ainsi employons-nous plus souvent tropi que maudit. Mais exprimer en latin les noms particuliers des figures ou tropes dans leur sens spécial, ce serait chose très difficile et tout à fait inusitée. De là, il est arrivé que quelques-uns de nos interprètes ne voulant pas traduire littéralement ces paroles de l'apôtre, ce qui a été dit par allégorie, Galates 9, 24, ont eu recours à cette périphrase. Ce qui donne à entendre une chose pour une autre. Or, il y a plusieurs espèces de ce trope qu'on appelle l'allégorie, et une entre autres qui a le nom d'énigme. Mais il est nécessaire que la définition du mot générique renferme toutes les espèces. Par conséquent, comme tout cheval est animal, tandis que tout animal n'est pas cheval, de même toute énigme est allégorie, mais toute allégorie n'est pas énigme. Qu'est-ce donc une allégorie, sinon un trope où l'on donne à entendre une chose pour une autre? Comme dans ce passage de l'Épître aux Thessaloniciens, ne dormons donc point comme tous les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment de nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent de nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. 1 Thessaloniciens 5, 6 à 8. Toutefois ici l'allégorie n'est point énigme, car on en saisit la pensée, à moins d'un grand défaut d'intelligence. Mais l'énigme, pour le dire en peu de mots, est une allégorie obscure, comme celle-ci, par exemple, la sangsue a trois filles, Proverbe 30, 15, et autres de ce genre. Toutefois une allégorie dont parle l'apôtre n'est pas en parole, mais en fait, il parle des deux fils d'Abraham, l'un né de la servante, l'autre de la femme libre, ce qui n'est pas une parole, mais un fait, et veut désigner par là les deux testaments. Jusqu'à cette explication, le texte était obscur. Par conséquent, ce qui était allégorie, à s'en tenir au nom générique, pouvait aussi être appelé énigme. Mais comme les illettrés qui ne connaissent pas les tropes, ne sont pas les seuls à demander ce qu'entend l'apôtre quand il dit que nous voyons en énigme, que les hommes instruits demandent aussi à savoir ce que c'est que cette énigme dans laquelle nous voyons ici-bas, il faut trouver une solution unique à ce double point de la question. Nous voyons maintenant à travers un miroir, et, en énigme. Il ne doit en effet avoir qu'une solution, puisque l'apôtre dit tout d'un trait, nous voyons maintenant à travers un miroir en énigme. Il me semble donc que, comme par miroir il entend une image, par énigme il entend une ressemblance obscure et difficile à saisir. Ainsi par miroir et par énigme on peut supposer que l'apôtre indique des ressemblances quelconques, les plus propres à nous faire connaître Dieu autant que possible, et aucune de ces ressemblances n'atteint mieux ce but que celle de l'homme, qui est appelé à juste titre l'image de Dieu. Qu'on ne s'étonne donc pas de la difficulté que nous éprouvons à voir d'une manière quelconque par le moyen qui nous est accordé ici-bas, c'est-à-dire à travers un miroir en énigme. Si nous pouvions voir facilement, le mot énigme n'aurait plus de sens. Et voilà la plus grande énigme, que nous ne voyons pas ce qu'il nous est impossible de ne pas voir. En effet, qui ne voit pas sa pensée, et pourtant qui voit sa pensée, je ne dis pas de l'œil du corps, mais de l'œil intérieur, qui ne la voit pas et qui la voit. Car la pensée est une certaine vision de l'âme qui a lieu ou en présence des objets matériels qui frappent nos yeux, ou en leur absence. Quand la pensée voit leurs images, ou quand on songe à des objets qui ne sont ni corps, ni image de corps, comme les vertus ou les vices ou la pensée elle-même, ou quand on reçoit des doctrines ou des sciences libérales, ou quand on s'élève jusqu'aux causes et aux raisons supérieures de toutes choses renfermées dans la nature immuable, ou enfin quand on pense à des choses mauvaises, chimériques, fausses, avec ou sans l'assentiment de la volonté. Chapitre 10. De la parole de l'âme, dans laquelle nous voyons le Verbe de Dieu comme à travers un miroir et en énigme. Maintenant, parlons des choses connues auxquelles nous pensons, et connues même quand nous n'y pensons pas, soit qu'elles appartiennent à la science contemplative, qui est proprement la sagesse, ou à la science active, qui conserve le nom de science, d'après la distinction que j'ai établie plus haut. Car l'une et l'autre appartiennent à la même âme et ne forment qu'une seule image de Dieu. Quand on s'occupe plus spécialement et exclusivement de celle qui est inférieure, on ne doit pas l'appeler image de Dieu, bien qu'on y découvre quelques ressemblances avec la Trinité souveraine, comme nous l'avons montré dans le livre 13e, chapitre 1er, 20. Ici, nous parlons de la science de l'homme dans son ensemble, de celle qui renferme tous les objets de connaissance, lesquels sont vrais, puis qu'autrement ils ne seraient pas connus. En effet, personne ne connaît ce qui est faux autrement que parce qu'il sait que cela c'est faux, et cette connaissance est vraie, parce qu'il est vrai que cela est faux. Nous parlons donc des choses connues auxquelles nous pensons, et connues même quand nous n'y pensons pas. À coup sûr, si nous voulons les exprimer, nous ne le pouvons qu'après y avoir pensé. Car bien qu'il n'y ait pas de son de parole, celui qui pense parle certainement dans son cœur. C'est pourquoi on dit au livre de la sagesse, ils ont dit, pensant follement en eux-mêmes, sagesse, 2, 1. Le sens de ces mots, ils ont dit en eux-mêmes, est expliqué par cette addition, pensant. Il y a quelque chose d'analogue dans l'Évangile, quand certains scribes entendant le Seigneur dire au paralytique, « Mon fils, aie confiance, tes péchés te sont remis », ils dirent en eux-mêmes, « Celui-ci blasphème ». Or, que signifient ces mots ils dirent en eux-mêmes, sinon, ils dirent dans leurs pensées. Puis l'évangéliste continue, mais comme Jésus avait vu leurs pensées, il dit, « Pourquoi pensez-vous mal en vos cœurs ?» Matthieu 9, 2 à 4. C'est saint Matthieu qui parle. Saint Luc raconte le même fait en ces termes, « Les scribes et les pharisiens commencèrent à réfléchir, disant, « Quel est celui-ci qui profère des blasphèmes ? Qui peut remettre les péchés, sinon Dieu seul ?» Mais dès que Jésus connut leurs pensées, il prit la parole et leur dit, « Que pensez-vous en vos cœurs ?» Luc 5, 21, 22. Ces expressions, ils réfléchirent en disant, ont le même sens que celle du livre de la sagesse. Ils ont dit pensant. Là comme ici on fait voir que l'homme parle en lui-même et dans son cœur, c'est-à-dire parle en pensant. En effet, ces pharisiens parlaient en eux-mêmes et on leur dit, « Que pensez-vous ? » Et à propos de ce riche dont les champs produisaient des fruits abondants, le Seigneur lui-même dit, « Or, il pensait en lui-même, disant, Luc 12, 17. Certaines pensées sont dans le langage du cœur, ou du reste le Sauveur lui-même nous fait voir qu'il existe une bouche, quand il dit, ce n'est point ce qui entre dans la bouche, qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui souille l'homme. Dans cette seule phrase il suppose deux bouches à l'homme, une dans le corps et l'autre dans le cœur. Car ce que les Juifs regardaient comme souillant l'homme, entre dans la bouche du corps, tandis que d'après le Seigneur, ce qui souille l'homme sort de la bouche du cœur. Car il a lui-même expliqué le sens de ses paroles. En effet, un instant après, reprenant la question avec ses disciples, il leur dit, Et vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous point que tout ce qui entre dans la bouche va au ventre et rejeté en un lieu secret? Voilà qui s'applique indubitablement à la bouche du corps. Puis, parlant ensuite de la bouche du cœur, il ajoute « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et voilà ce qui souille l'homme. Car du cœur viennent les mauvaises pensées, etc. » Matthieu 15, 10, 20. Quoi de plus clair que cette explication? Cependant, bien que nous disions que les pensées sont les paroles du cœur, il ne s'ensuit pas qu'elles ne soient pas aussi quand elles sont vraies, des visions formées des visions de la connaissance. En effet, au moment où elles se forment au dehors par l'entremise du corps, la parole et la vision sont deux choses différentes, mais quand nous pensons au-dedans de nous, elles n'en font plus qu'une. C'est ainsi que l'audition et la vision sont deux sensations très différentes dans les sens du corps, mais dans l'âme, voir et entendre sont la même chose. Voilà pourquoi, tandis que au dehors le langage ne se voit pas, mais s'entend, l'Évangile nous dit que le Seigneur vit les paroles intérieures, c'est-à-dire les pensées, mais non qu'il les entendit. Ils dirent en eux-mêmes, celui-ci blasphème. Puis il ajoute, mais comme Jésus avait vu leurs pensées, il vit donc ce qu'ils avaient dit, par sa pensée il avait vu leurs pensées qu'il croyait seul voir. Ainsi, celui qui peut comprendre la parole, non seulement avant qu'elle résonne, mais avant même que la pensée se figure les images de ses sons, et c'est ce qui n'appartient à aucune des langues, de ces langues qu'on appelle humaines et dont notre langue latine fait partie, celui, dis-je, qui peut comprendre cela, peut déjà voir, à travers ce miroir et en cette énigme, quelques ressemblances de ce Verbe suprême dont il est dit. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu et le Verbe était Dieu. Jean 1, 1. Il est nécessaire en effet, quand nous disons la vérité, c'est-à-dire quand nous exprimons ce que nous savons, que la parole, tirant son origine de la science conservée dans la mémoire, soit absolument de même nature que la science même dont elle tire son origine. Car la pensée, formée de la chose que nous savons, est la parole que nous disons dans notre cœur, parole qui n'appartient ni au grec, ni au latin, ni à aucune autre langue. Mais comme il faut qu'elle parvienne à la connaissance de ceux à qui nous parlons, ou emploie quelques signes pour l'exprimer. Le plus souvent c'est un son, quelquefois un mouvement de tête, l'un parlant aux oreilles, l'autre aux yeux, et ces signes corporels sont les moyens de faire connaître au sens du corps la parole que nous portons dans notre cœur. Car, qu'est-ce que faire un signe sinon rendre en quelque façon vont la parole visible? L'Écriture nous offre encore là-dessus son témoignage. Nous lisons en effet dans l'Évangile selon saint Jean. En vérité, je vous le dis, un de vous me trahira. Les disciples donc se regardaient les uns les autres, incertains de qui ils parlaient. Or un des disciples, que Jésus aimait, reposait sur son sein. Simon-Pierre lui fit donc signe et lui dit, quel est celui dont il parle? Idem, 13, 21, 24. Pierre exprime par signe ce qu'il n'osait dire en parole. Ces signes corporels et autres de ce genre s'adressent aux oreilles ou aux yeux de ceux à qui nous parlons et qui sont présents, mais les lettres ont été inventées pour pouvoir converser avec les absents, et elles sont les signes des mots, tandis que les mots eux-mêmes qui sortent de notre bouche sont les signes des choses que nous pensons. Chapitre 11. Il faut chercher une image quelconque du Verbe divin dans notre Verbe intérieur et mental. Énorme différence entre notre Verbe et notre science, le Verbe divin et la science divine. Ainsi la parole qui résonne au dehors est le signe de la parole qui lui est au dedans et qu'il est plus juste d'appeler verbe. Car ce que la bouche du corps prononce est la voix du verbe, et elle s'appelle verbe à cause de son origine même. Par là, notre verbe devient en quelque sorte la voix du corps, en s'en revêtant pour se manifester au sens des hommes, comme le verbe de Dieu a été fait chair, en se revêtant de la chair pour se manifester au sens des hommes. Et comme notre verbe devient voix, sans se transformer en voix, ainsi le verbe de Dieu a été fait chair, mais ne s'est nullement transformé en chair. Car c'est en se revêtant et non en s'absorbant, que notre verbe devient voix, et que le verbe divin a été fait chair. Ainsi, que celui qui désire découvrir une image quelconque du verbe divin, quoiqu'avec une multitude de différences, ne s'attache pas à considérer le verbe humain résonnant aux oreilles, ni quand il est exprimé par la voix, ni quand il reste dans le silence de la pensée. Car on peut penser en silence aux paroles de toute langue, repasser dans son esprit des pièces de poésie, sans rien exprimer, et non seulement les mesures des syllabes, mais même les tons de la musique, étant matériel et appartenant à ce sens du corps qu'on appelle l'ouïe, se rendent présents, au moyen de certaines images immatérielles, à la pensée de ceux qui les repassent dans leur mémoire quand leur bouche se tait. Mais il faut s'élever au-dessus de tout cela pour parvenir à ce verbe humain où l'on verra, par une ressemblance quelconque et comme en énigme, le verbe divin, non pas celui qui a été adressé à tel prophète et dont on a dit « La parole de Dieu croissait et se multipliait » Actes des Apôtres 5, 7, ou encore « La foi donc vient par l'audition, et l'audition par la parole du Christ » Actes des Apôtres 5, 17, et ailleurs. Ayant reçu la parole de Dieu que vous avez ouï de nous, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais, ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 2, 13. Les Écritures sont remplies de textes de ce genre relatifs à la parole de Dieu, à celle qui se répand dans les cœurs et sur les lèvres des hommes, au moyen des sons de langues nombreuses et variées. Et on l'appelle parole de Dieu parce que l'enseignement qu'elle donne est divin, et non humain. Mais le verbe dont nous cherchons ici une image quelconque par ressemblance, est celui dont il est dit « Le Verbe était Dieu » Jean 1, 1, 3, 4, dont il est dit « Toutes choses ont été faites par lui », dont il est dit La source de la sagesse est le Verbe de Dieu dans les hauteurs du ciel. Ecclésiaste 1, 5. Il faut donc parvenir à ce Verbe de l'homme, au Verbe de l'être animé et doué de raison, au Verbe de l'image de Dieu qui n'est point né de lui, mais qui a été faite à son image, au Verbe qui ne s'exprime pas par un son, qui ne se présente pas à la pensée sous la forme d'un son, nécessité imposée à toutes les langues, mais antérieure à tous les signes qui le représentent, qui est engendrée de la science qui subsiste dans l'âme, quand cette science est exprimée intérieurement telle qu'elle est. Car la vision de la pensée est parfaitement semblable à la vision de la science, tandis que quand on s'exprime par son ou par quelques signes du corps, on ne dit point la chose telle qu'elle est. Mais telle qu'elle peut être vue ou entendue par l'entremise du corps. Quand donc ce qui est dans la connaissance est aussi dans la parole, alors c'est le véritable verbe, et aussi la vérité, telle qu'on peut l'attendre de l'homme, puisque ce qui est dans la vérité est aussi dans le verbe, que ce qui n'est pas dans la vérité n'est pas dans le verbe. Ici on reconnaît le « oui, oui, non ». Non, Matthieu 5, 37, de l'Évangile. C'est ainsi que la ressemblance de l'image créée se rapproche, autant que possible, de l'image qui est née, en vertu de laquelle Dieu le Fils est proclamé semblable à son Père substantiellement et en tout. Il faut aussi remarquer dans cette énigme, un autre trait de ressemblance avec le Verbe de Dieu, c'est que, comme on dit du Verbe divin, toutes choses ont été faites par lui, ce qui témoigne que Dieu a tout fait par son Verbe unique. De même, il n'y a pas d'œuvre humaine qui n'ait d'abord été dite dans le cœur, comme le démontre ce texte. La parole est le commencement de toute œuvre. Ecclésiaste 37, 20. Mais, ici aussi, c'est quand le Verbe est vrai, que la bonne œuvre commence. Or le Verbe est vrai quand il est engendré par la science du bien faire et qu'on y observe le « oui, oui, non, non », tellement que si c'est « oui » dans la science qui doit régler la vie, ce soit « oui » aussi dans le Verbe par lequel on doit agir et non, si c'est « non ». Autrement le Verbe sera le mensonge et non la vérité, et, par suite, il y aura péché, et non bonne œuvre. Il y a encore un autre rapprochement entre notre Verbe et le Verbe de Dieu, c'est que notre Verbe peut exister sans que l'action s'ensuive, et qu'il ne peut y avoir d'action qui ne soit précédée du Verbe. De même que le Verbe de Dieu peut être sans qu'il existe aucune créature, et qu'il ne peut y avoir aucune créature que par celui par qui toutes choses ont été faites. C'est pourquoi ce n'est pas Dieu le Père, ni le Saint-Esprit, ni la Trinité elle-même, mais le Fils seul, c'est-à-dire le Verbe de Dieu, qui a été fait chair, afin que, notre Verbe se conformant à son exemple, notre vie fût régulière, c'est-à-dire afin qu'il n'y eût pas de mensonge dans la pensée ni dans les œuvres de notre Verbe. Mais cette image deviendra parfaite un jour. C'est pour atteindre cette perfection que nous recevons d'un bon maître la foi chrétienne et les enseignements de la piété, afin que, à face découverte, sans le voile de la loi qui est l'ombre des choses futures, contemplant la gloire du Seigneur, c'est-à-dire regardant à travers un miroir, nous soyons transformés en la même image, de clarté en clarté, comme par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3, 18, suivant l'explication que nous avons donnée de ces paroles. Quand donc, par cette transformation, l'image sera parfaitement renouvelée, alors nous serons semblables à Dieu, parce que nous le verrons, non plus à travers un miroir, mais tel qu'il est. Jean 3, 2. Ou, comme dit saint Paul, face à face. 1 Corinthiens 13, 12. Mais maintenant, dans ce miroir, dans cette énigme, dans cette ressemblance quelconque, quelle immense différence! Qui pourrait l'expliquer? J'essaierai cependant, autant qu'il me sera possible, d'en toucher quelque chose qui puisse en donner une idée. markhamdanarchive.org, d'après abbaye saint-benoît.ch, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique.